Comme dans un merveilleux film de série D, nous roulions dans une minoune toute cabossée. Sur la route, il y avait ça et là des gros trous. Ça faisait un peu comme sur la guitare de Willie Nelson. Cette voix qui résonne, qui rappelle la famille et la stabilité. Willie Nelson. Ce gros nez qui sonne, qui fait penser à la patrie et à la continuité. Le radiateur ayant décidé de fumer le calumet de paix, nous sommes arrêtés au fond d'une forêt. La nature hostile n'était pas des plus hospitalières. Il y avait tellement d'arbres que on se serait cru dans la barre de Willie Nelson. Cette voix qui résonne, qui rappelle la famille et la stabilité. Willie Nelson. Ce gros nez qui sonne, qui fait penser à la patrie et à la continuité. Devant les difficultés, la population alarmée cherche un géant au pied d'acier pour s'abriter, se protéger. Devant les difficultés, la population alarmée cherche un géant au pied d'acier pour s'abriter, se protéger. Oui, devant les difficultés, la population alarmée cherche un géant.